papa et les carnes volaires sont de retour. Couteau bouillé, les lèche-bottes ont baissé leurs pantalons. Et ils s'érigent en donneurs de leçons. Le complot du silence persévère, la langue de bois exaspère. Ce triste constat me désespère. Pardonne-moi si mes vers sont à l'envers, parce que tout est arbitraire, le règne de l'arbitraire. Tout est arbitraire et le peuple se fait traire par ce dangereux, dangereux béni, oui, oui, les voleurs de la République. Dangereux, dangereux béni, oui, oui, les moutons de Panurge. Le chant du cygne est un signe, le peuple lit entre les lignes. Les gouvernants nous indignent, on n'est pas sortis de l'auberge. Et dans nos têtes, ça gamberge, et dans nos têtes, ça gamberge. Les deniers publics. SOS, SOS, les voleurs de la République. C'est un SOS, ils volent les deniers publics. Bouillé, couteau bouillé. Les deniers publics. Du café au lait, ils sont capables de voler le lait. Comparaison n'est pas raison, les moutons de la République, ils broutent la République. Ces voleurs de la République.